إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on va continuer la partie, on va faire la partie numéro 2 dans l'explication de cette risala du Cheikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah, al-mawqif al-sahih min ahl al-bid'a, la position correcte envers les gens de la bid'a. Donc hier on a expliqué, en fait on a expliqué les points dans l'introduction par rapport à la question qui avait été posée au Cheikh Rabi' et le début de la réponse, on en a traduit une partie, et donc on va continuer donc aujourd'hui avec le reste de cette réponse et on va traduire qu'est-ce qu'on peut de la réponse aujourd'hui, puis la suite va être traduite, Inch'Allah on va compléter demain le reste. Avant de commencer, il y a juste un petit point aussi que je voudrais mentionner, c'est que il y a eu une période de temps où certaines personnes ont eu une mauvaise compréhension de qu'est-ce que ça signifie la réalité de cette da'wah salafia. Et certaines personnes, à cause d'un manque de connaissances ou à cause d'un manque de compréhension de qu'est-ce que c'est cette da'wah, ils ont donné parfois une image assez négative de cette da'wah, parce que ils appliquaient certaines règles, certains principes, mais sans aucune connaissance, sans aucune compréhension et sans aucune hikmah, sans aucune sagesse. Et donc, certaines personnes par la suite ont eu une mauvaise image de la da'wah et de ceux qui prétendaient appartenir à cette da'wah. Et donc, certaines personnes avaient exagéré dans certaines questions qui ont rapport avec la critique et avec le djarh. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que on a commencé à observer chez certains parmi les frères et parmi les sœurs une attitude réactionnaire qui tend vers l'autre côté ou l'autre extrême. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont observé ou qu'ils ont réalisé que certains avaient exagéré dans la critique, et bien ils ont pris l'autre extrême et ils ont dit non, ça y est, il ne faut plus critiquer personne, il faut accepter tout le monde maintenant, il faut tous travailler ensemble et tout le monde est bon, tout le monde est correct, tout le monde est accepté. Et même si quelqu'un dit des choses fausses ou incorrectes ou quoi que ce soit, il ne faut plus critiquer personne. Et ça c'est une autre, et c'est une attitude qui est extrême et qui est contraire à la vérité. Donc, à chaque fois que vous voyez un principe ou un point, que ce soit dans l'aqidah ou que ce soit dans le manhaj, la vérité est toujours entre les deux extrêmes. La vérité est toujours entre les deux extrêmes et la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a est toujours entre deux extrêmes. Donc, c'est pas dans l'exagération, dans la critique de la façon dont certains le font, sans aucune connaissance et sans aucune compréhension ni sagesse. Et c'est comme par exemple ceux qui suivent la voie des haddadiyas et qui mettent en dehors de la sunna n'importe quelle personne pour n'importe quelle erreur sans prendre en considération qui cette personne est et la grandeur de sa science et de son respect ou du respect qu'on a envers lui. Et l'autre extrême des hizbiyyin qui veulent défendre tous les gens de bid'a et peu importe l'erreur qu'ils ont fait, ils veulent les élever au rang des imams de l'islam et appeler les gens à les écouter, à les respecter et dire aux gens il faut critiquer personne. Donc ça c'est deux positions extrêmes qui sont très dangereuses. Et donc c'est pour ça que je voulais mentionner ce point-là pour nous mettre, pour qu'on soit conscient de cette réalité-là, pour qu'on évite de notre côté de suivre ces deux voies d'exagération-là. Maintenant, on va continuer donc avec les paroles de Cheikh Rabi' par rapport à qu'est-ce qu'il a donné comme exemple lorsqu'on a terminé hier. On expliquait que le chef il nous disait de rester sur nos gardes vis-à-vis des gens de la bid'ah, et il expliquait que personne n'est plus injuste que les gens de bid'ah, et qu'ils sont plus pires que les gens parmi les musulmans qui font des grands péchés. Et on a donné l'exemple de Salam ibn Abi Mutir qui a dit l'an alqa Allah bi sahifat al-Hajjaj ahab ilayya an alqahu bi sahifat Amr ibn Ubayd. Je préfère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre de Al-Hajjaj que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre de Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd, c'était une des têtes parmi les têtes des Mu'tazila, comme on l'a expliqué. Le Cheikh dit ensuite, وعمر بن عبيد عابد زاهد ما شاء الله ولكن مبتدع ضال والحجاج فاجر سفاك مجرم يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمر بن عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وهي تدخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لو شيخ الذكر عمرو بن عبيد c'était un adorateur, un zahid, mais c'était un innovateur et un égaré. Si tu regardes Amr ibn Ubayd, tu vas voir que c'est un homme qui faisait beaucoup d'adoration, c'est un homme qui était très pieux dans sa personne, dans son adoration, il faisait beaucoup d'efforts, il s'écartait de beaucoup de superflu de la dunya, il avait une apparence religieuse. Toutefois, c'est un innovateur, un égaré. Tandis que Al-Hajjaj, c'est un homme qui était connu pour sa perversité, connu pour sa cruauté, pour le fait qu'il faisait couler le sang. C'était un homme injuste, un criminel. Mais malgré tout, Salam ibn Abi Mutir, il nous dit qu'il préférerait avoir le livre des actions de cet injuste et de ce cruel de ce cruel parmi les pervers qui faisait de l'injustice, plutôt que d'avoir le livre de Amr ibn Ubayd. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le danger de la bid'a et la laideur de la bid'a est plus grande et plus grave. Et il dit que c'est suffisant pour nous de savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de ses discours, ou dans la plupart de ses discours, il décrivait les innovations en disant à leur sujet quelles étaient les pires affaires, quelles étaient les pires choses. Donc, c'est mentionné comme dans le hadith de Jabir, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait une khutbah, quand il faisait un discours, c'était pas comme certains khutbah aujourd'hui, qui font des discours quand ils parlent dans la khutbah, ils parlent avec une petite voix douce, hein, et puis ils parlent tout bas, comme si ils étaient faibles et comme s'ils n'avaient pas la capacité de parler. Donc non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait dans la khutbah, il élevait sa voix. Et son visage devenait rouge, ça veut dire que parfois il se mettait en colère, hein, et il était comme quelqu'un qui s'adresse à une armée, hein, avant un combat. Donc c'est de cette manière-là qu'il parlait. Et il disait, Amma ba'd, ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah. Et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des affaires, hein, c'est les choses inventées dans la religion, les choses innovées. Donc, ça c'est pour montrer qu'il n'y a rien de pire que les innovations. D'accord ? Et ensuite il mentionne un verset dans Surat Shura, qui est le verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce qu'ils ont des partenaires, est-ce qu'ils ont donné à Allah des partenaires qui légifèrent pour eux dans la religion ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis, en voulant dire que les gens qui légifèrent des choses dans la religion, qui inventent des choses dans la religion, c'est comme s'ils se sont et en est présenté comme étant des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation, puisqu'ils inventent des choses dans la religion, ils rendent halal des choses et ils rendent haram des choses en faisant des innovations, hein. Et ensuite il dit wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu فهؤلاء أتباع أهل البدع مهما كان هذه البدع تتناوله مثل هذه الآيات لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وساداتهم وقادتهم على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans sourate Tawbah, ils ont pris leur rabbin et leurs moines comme des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors d'Allah, et ainsi que le Messie fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique, c'est-à-dire d'adorer Allah seul. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc, ceux qui suivent les gens de Bid'a, il y a les gens de Bid'a, c'est-à-dire ceux qui font la Bid'a et qui invitent les autres à suivre et à faire des innovations, puis il y a les gens de bid'a qui n'y sont pas, et il y a ceux qui appellent les autres à la faire, mais qui la pratiquent pour eux-mêmes et qui la suivent, cette innovation-là. Hein, les ulama, ils ont fait une distinction parmi entre les innovateurs. Il y a les innovateurs qui font la bid'a et qui la pratiquent pour eux-mêmes seulement, puis il y a les innovateurs qui pratiquent la bid'a et qui appelle les autres à les suivre dans cette innovation-là. Et il n'y a pas de doute que la personne qui appelle à l'innovation, elle est plus grave, hein, elle est plus grave, et c'est à leur sujet que les imams et que les ulama de la sunna ont mis en garde. Ils ont mis en garde au sujet des gens de bid'a, mais en particulier et avant tout contre ceux qui invitent à leur innovation, ceux qui sont des du'at. Hein, ceux qui sont des du'as, qui appellent les autres à les suivre. Donc, les gens qui suivent les gens de bid'a, peu importe la bid'a, peu importe de quelle catégorie de bid'a qu'on parle, que ce soit une bid'a dans la croyance, que ce soit une bid'a dans la pratique, que ce soit une bid'a dans quoi que ce soit dans la religion, ces versets-là s'appliquent à eux. Les deux versets qu'on a mentionnés, hein, à propos du tachri' et l'autre verset qui est par la suite qui est venu, qui dit est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala leurs moines et leurs rabbins comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces versets-là, ça s'applique. Et vous savez, ce verset-là, le verset 31 dans Surat al-Ma'idah, dans quel contexte il a été révélé? Il a été révélé dans le contexte du fait que, ou bien plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de le réciter, et un des sahabis qui était chrétien, qui s'était converti à l'islam, Adi ibn Hatim, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset, hein, Et il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, à l'époque, on ne les adorait pas, les moines et les rabbins. C'est-à-dire, on ne leur offrait pas des prières nécessairement. On ne priait pas à eux, puis on ne se prosternait pas à eux. Donc, on ne les adorait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une question. Il lui a dit, n'est-ce pas que, il rendait halal ce qui est haram, et vous les suiviez là-dedans? Et il rendait haram ce qui est halal, et vous les suiviez là-dedans? Et il a répondu en disant, certes, oui, c'est vrai, on faisait ça. On rendait haram ce qui est halal parce que eux, ils l'avaient fait. Et on rendait halal ce qui est haram parce que eux, ils le disaient. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'était ça votre adoration pour eux. Donc la personne qui suit un innovateur dans sa bid'a, que ce soit quelqu'un qui suit son cheikh, qui appelle à une innovation ou à une pratique qui ne fait pas partie de l'islam, c'est comme s'il faisait la même chose que ce que les chrétiens et les juifs faisaient avec leurs rabbins et leurs moines. La même chose. Que ce soit par exemple un cheikh soufi qui dit à ses fidèles de pratiquer certaines innovations, de faire un dhikr d'une certaine façon qui est contraire à la sunna, ou de croire en certaines croyances qui sont contraires à la sunna, et que eux ils prennent ces paroles-là de ce cheikh et qu'ils l'appliquent, et bien c'est comme si ils ont pris ces individus-là comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Ils ont donné à ces individus-là le pouvoir de légiférer des règles dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est grave. Et non seulement ça aussi, donc tout ça c'est relié ensemble de toute façon, tous ces points-là. Donc c'est pour dire que ces versets-là s'appliquent aux gens de bid'ah. Que ces versets-là s'appliquent aux gens de bid'ah et que c'est dangereux. Non seulement ça, la bid'ah, comme l'imam Malik, rahimahullah, l'a mentionné, il explique que la personne qui fait une bid'ah dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il était en train de dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement et que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas complète et qu'on avait besoin de quelqu'un d'autre après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour venir la compléter et la clarifier. Et ça c'est une grave accusation contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc toi aujourd'hui on peut pas venir et dire ça y est, on a besoin des nouvelles inventions dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas bien complété son message, n'aurait pas transmis à la Ummah tout ce qu'elle avait besoin de connaître pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui manquent, qu'il faut rajouter. Ça en soi, c'est de croire une chose pareille, de dire une chose pareille, c'est un coffre en soi. Et même si les gens de bid'a, ils ne le disent pas explicitement et directement quand ils parlent, mais le fait de pratiquer des innovations et de faire des bid'a, eh ben c'est sous-entendu, c'est impliqué. Et donc c'est ça le danger de la bid'a. Et c'est ça qui fait que la bid'a est beaucoup plus laide qu'un péché que quelqu'un peut commettre. Donc le cheikh il dit, لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم, donc ils placent à l'avant l'obéissance envers leur chef et envers leur tête, leur leader, au-dessus de l'obéissance envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et même parfois au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَثِيرٌ مَنْ هُوَ سَيَلْقَى اللَّهِ بِهَذِهِ الْإِجَابَةِ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Ensuite le cheikh il dit que plusieurs d'entre ceux-là, le cheikh il dit, plusieurs d'entre ceux-là vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette réponse qui est mentionnée dans le Coran de la part des gens qui sont dans l'enfer. Dans Surat al-Ahzab, le verset 67 et 68, dit, notre Seigneur il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, on a obéi à nos chefs et à nos hauts placés, et ils nous ont égarés du droit chemin. Notre Seigneur, donne-leur le double du châtiment et maudit-les d'une grande malédiction. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à leurs dirigeants, hein, et à leurs chefs dans le péché. Et ça, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et encore plus lorsque c'est dans l'obéissance à quelqu'un dans les choses innovées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est encore plus dangereux et encore plus grave que quelqu'un qui ordonnerait à faire un simple péché. Hein? Ensuite, le cheikh il dit, وكثير منهم لا أقول كلهم كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام تراهم يلبسون نصوح الإسلام بل نصوح السلفية وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها. Le cheikh dit, plusieurs d'entre eux, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'entre eux vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette réponse qui est mentionnée dans ce verset-là. Et en particulier, les gens qui suivent leur passion dans le fait de combattre et de déclarer la guerre à la vérité. Et d'être satisfait de ce qui est faux. Et non seulement d'être satisfait de ce qui est faux, mais en plus de ça, d'inviter les gens à ce qui est faux, et de faire paraître la vérité comme si c'était quelque chose de laid, ou comme si c'était quelque chose de faux. Comme ce qui se produit de la part de beaucoup, de plusieurs parmi les hommes aujourd'hui. On les voit qui portent le costume, le costume apparent, de l'apparence islamique. Hein, on le voit porter un costume d'apparence islamique. Même, le cheikh dit, même qu'on les voit porter un costume d'apparence salafie, hein, alors qu'ils sont les gens qui sont le plus durs dans leur guerre contre la salafie. Donc maintenant, c'est ça qui est arrivé. Les gens de Bid'a, c'est ce qu'ils font tout le temps. Quand ils veulent donner des problèmes ou éloigner les gens du droit chemin, eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils s'infiltrent entre les rangs pour essayer de faire dévier les gens, et pour les éloigner de la vérité. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont adopté cette méthode, et cette voie, hein, de s'infiltrer parmi les salafis, de porter les vêtements et le costume, comme on dit, l'apparence salafie, mais de frapper les salafis de l'intérieur, hein, pour détruire les rangs, et pour les désunir, pour les diviser de l'intérieur, et pour détruire cette salafie, hein, et pour la saler de l'intérieur. Hein? Donc c'est ça ce que le chef il est en train de nous expliquer, et on le retrouve aujourd'hui. Des gens qui se disent salafis, hein, et qui s'habillent, hein, dans leur apparence extérieure, tu dis ça, c'est des salafis quand tu les vois. Que ce soit des frères ou des sœurs, hein, tu dis mashallah, hein, la sunna, et ils l'appliquent et ils le montrent avec fierté. Mais quand ils parlent, c'est toujours pour frapper les salafis, toujours pour accuser les salafis, toujours pour critiquer la salafie. Et même parmi eux, vous allez entendre des gens maintenant qui sont en train de dire aux gens, il ne faut pas dire salafi, arrêtez de dire salafia, salafia c'est une tazkia, salafia c'est ci, salafia c'est ça, c'est pas bon, il ne faut pas dire ça. A'oudoubillah. Et si ça c'est des salafis qui font ça, alors on n'a plus besoin des ennemis. Hein? C'est comme on dit en anglais, with friends like these, you don't need enemies. Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Parce que ces ennemis-là, ils jouent le rôle de tes ennemis. Hein? Et donc c'est important de bien comprendre que ces gens-là, des fois, justement, ils s'infiltrent parmi les salafis, se font passer pour des salafis, ils disent « Oui, je suis salafi, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, on les aime, on les respecte. » Puis par la suite, c'est juste frapper dans le dos et poignarder dans le dos tout ce qui a rapport avec cette da'wah, tout ce qui a rapport avec ce manhaj, tout ce qui a rapport avec les principes de cette da'wah. Et de faire croire aux gens que tout ce que les ulama du Coran et de la Sunna enseignent, c'est des choses récentes ou nouvelles. Et ils ne ramènent pas les gens aux livres des salafs et aux paroles des salafs qui ont expliqué et clarifié cette foi. Donc ça c'est des ruses qu'ils utilisent. Le cheikh dit, فَالَّذِي يَحْتَرِمُ الْمَنْهَجَ السَّلَفِي وَيَحْتَرِمُ الْعَقِيدَةَ السَّلَفِيَّةِ وَيَحْتَرِمُ أَهْلَ هَذَا الْمَنْهَجِ سابقهم ولاحقهم كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل إن قلنا كتاب الله فهو عليك إن قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة عليك وإن قلت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتعاليفهم معروفة في مجافات أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم لا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانين وأبي حاتم وأبي زرعة وأئمة الإسلام وجبال السنة هم قدوة الأمة فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. Le cheikh il dit quoi? Il dit donc, celui qui respecte le manhaj salafi, celui qui respecte la aqida salafia, et on l'a expliqué hier, la da'wa salafia et le manhaj salafi, c'est de suivre le manhaj et la aqida des sahaba, des tabi'in, des tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, d'accord. Et il y a des frères hier soir, il y en a en sortant, ils m'ont posé cette question, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu dis à propos de des gens qui disent justement que la da'wa salafia c'est une tazkiya. Je lui ai expliqué, d'être un salafi, d'être salafi ça veut dire, je suis un musulman, je crois au Coran et à la Sunna et je suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, et ceux qui les ont suivis jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est ça la salafia. Et je lui ai expliqué que quand tu dis que de dire salafia c'est une tazkiya, Cheikh Ibn Baz il a dit à ce sujet-là que c'est une tazkiya qui est obligatoire. Et Cheikh Al-Fawzan essaie de ramener cette fatwa et de dire ah c'est une tazkiya, Cheikh Al-Fawzan a dit que c'était une tazkiya. Cheikh Al-Fawzan lui-même dans son livre Muntaq al-Fatawa, dans son livre de fatwa, il dit c'est pas une tazkiya. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux fatwas? Non, parce que cette fatwa est dans un contexte et l'autre est dans un autre contexte. Dans un contexte, quelqu'un peut dire qu'il est salafi et c'est une tazkiya, il le dit avec fierté pour dénigrer les autres. Pas parce qu'il veut expliquer qu'est-ce que ça signifie ou bien pour montrer qu'il croit en la vérité, il veut juste le dire pour rabaisser les autres parce qu'il veut s'élever lui-même, par orgueil et par fierté, et dans l'autre contexte, il explique que d'être un salafi c'est quelque chose d'obligatoire, et d'être salafi en fait, c'est synonyme de se dire sunni. Est-ce que c'est une tazkiya de se dire sunni? Dans le sens que, est-ce que quelqu'un va dire t'as pas le droit de te dire sunni parce que si tu te dis sunni c'est comme si tu te montres fier, c'est une vantardise, Non, c'est pas, c'est au contraire, d'être sunni c'est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fa'alaykum bi sunnati. Est-ce que tu vas dire je veux pas être sunni? Le prophète il t'ordonne de suivre sa sunna. Et non seulement il te dit de suivre sa sunna, il dit wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdina min ba'di. Ça c'est les salaf. سنة الخلفاء الراشدين سكي الخلفاء الراشدون سنصول الثلاث. إذا لو حديث أنا كان يزفى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي سيديك سكي سنصول سكي جسوي مؤمن aujourd'hui et mes compagnons. Les compagnons ce sont les salaf. Le professeur Hassan il nous ordonne de les suivre. Donc si je dis je suis salafi, je suis en train d'obéir à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment quelqu'un peut dire par la suite il y a des doutes, il ne faut pas dire salafi, c'est quoi? Alors est-ce que tu as des doutes sur le fait de dire sunni? Est-ce que dans le Coran et dans la sunna il y a un hadith qui dit il faut dire que je suis sunni? Dire comme ça sunni, le mot sunni, pas textuellement, mais on le comprend dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre sa sunna. Donc quelqu'un qui suit sa sunna, on dit dans la langue arabe, on dit à son sujet quoi? Les sunnis. Nisbatan ila sunnah. Donc, si quelqu'un suit les salafs, on dit qu'il est salafi, nisbatan ila salaf. Il n'y a rien qui interdit ça dans la langue arabe et dans l'islam, au contraire. Donc, c'est des gens qui sont des djuhal, qui veulent faire des, qui veulent jeter des choubouhat aux musulmans et aux salafis. Et qu'est-ce qui m'étonne, Allah al-Musta'an, c'est qu'après toutes ces années-là que les gens ont connu la salafia ici en France et ailleurs, hein, des individus arrivent comme ça parmi eux, ils leur jettent ces choubouhat et que les gens commencent à débattre encore aujourd'hui sur ces questions-là. Ces questions-là sont supposées d'être connues et clarifiées et comprises. Et quelqu'un qui arrive avec ses idées, on devrait lui dire, écoute, va étudier l'islam. Arrête de nous faire perdre notre temps avec ces choses-là. On a compris notre manhaj. Comme l'imam, un des salafs, il a dit à celui qui venait pour débattre avec lui. Il a dit, si toi tu cherches ta religion, il dit, va la chercher. Moi j'ai trouvé la mienne, je la connais. J'ai pas de temps à perdre. Hein? Donc ça c'est juste pour clarifier ce point-là. Donc le cheikh il dit, donc celui qui respecte ce manhaj salafi et qui respecte cette aqida salafia et qui respecte les gens qui suivent cette voie, que ce soit ceux du passé ou ceux qui vivent aujourd'hui, comment ces gens-là pourraient avoir une bonne pensée et donner le bénéfice du doute, hein, à des gens qui penchent vers les gens du mensonge ou de la fausseté, les gens de bid'a, hein, comment tu pourrais te sentir à l'aise envers eux et correct avec eux et leur faire confiance et leur ouvrir ton cœur et dire, oh, ces gens-là sont, ils ont du bien. Vous entendez ça? Ils vont dire, ah, mais les tablirs, ils ont du bien. Les ikhwan, ils ont du bien. Et moi, je leur dis, et les juifs, ils ont du bien. Et les chrétiens, ils ont du bien. Et les athées, ils ont du bien. Et les bouddhistes, ils ont du bien. Et les hindous, ils ont du bien. Hein? Les koufars, ils ont du bien. Quraysh, ils avaient du bien. Pharaon, il a du bien. Même peut-être Iblis, il a du bien. Allahu a'lam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ces gens-là dans le Coran, est-ce qu'il mentionne leur bien? Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des mouchriquins dans le Coran, est-ce qu'il mentionne le bien des mouchriquins? Quand il parle de Pharaon, est-ce qu'il parle du bien de Pharaon? Quand il parle des autres ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il mentionne le bien qu'ils avaient? Non. Et pourquoi ils ne mentionnent pas leur bien? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne pas le bien de ces gens-là? La raison pour laquelle ils ne mentionnent pas le bien de ces gens-là, c'est parce que la maslaha, dans le fait de mentionner le bien, il n'y en a pas. Parce que le but c'est d'avertir les gens contre le kufr qui est en eux, et contre le shirk qui est en eux, et d'avertir contre le mal et le danger qui est présent chez ces gens de bid'ah. Parce que le mal qui est en eux est plus dangereux, et plus grave, et plus mauvais que tout le bien qu'ils pourraient faire. Et c'est pour, dans le but de protéger les musulmans contre ces égarements-là qu'ils portent en eux, pour éviter qu'ils puissent en influencer d'autres. Hein? Donc la question n'est pas de dire ils ont du bien, tout le monde peut avoir du bien, et c'est pas ça le problème. Demandez aux kuffars aujourd'hui, ils sont en train de dire certaines choses. Bon, vous leur dites, aujourd'hui le diable, pour eux, c'est le plus grand mal qu'ils peuvent avoir connu dans ce siècle, c'est Hitler. Hein? Et même lui, c'est certain que quand il parlait avec ses proches, peut-être ses amis, il était gentil avec eux. Il avait quand même quelque chose de bien. Est-ce que tu vas dire, bon, parce qu'il avait quelque chose de bien, on va pas, on va laisser passer tout le mal qu'il a fait, et tous les crimes qu'il a fait, et dire, il a du bien. Donc, le fait de dire aux gens, à cause du bien que quelqu'un a, il faut négliger le mal qu'il fait, ça c'est uniquement dans le but de combattre la vérité et de mettre de côté la vérité et de repousser les gens qui veulent suivre la vérité et la sunna. Alors que lorsque c'est le temps de parler des gens qui sont sur le haqq et qui suivent la sunna et qui sont salafis sur le manhaj, ils sont les premiers à ne voir que leurs fautes, que leurs erreurs, que leurs manquements, que leurs faiblesses. Et ils n'ont aucune pitié, aucune rahma pour eux. Hein? Quand ils parlent des ulama, ils ne voient que leurs fautes. Quand ils parlent des frères et des sœurs qui essaient de suivre la voie des salafs, ils ne voient que leurs fautes. Ils n'appliquent pas le même principe de cette bid'a qu'ils ont inventé, qu'on appelle al-muwazanat. Hein? le fait de dire ça, il faut établir la justice entre les gens, il faut mentionner le bien des gens, il ne faut pas mentionner le mal. Ou si tu mentionnes le mal, il faut mentionner le bien en même temps. Ça, c'est une innovation qui n'existe pas dans l'islam, surtout dans le contexte où toi tu veux mettre en garde contre le mal des gens, pour éviter leur mal. Donc le cheikh il dit, si je te mentionne le livre d'Allah, alors c'est contre toi. Parce que dans le Coran, il y a la preuve contre toi. Si je te mentionne la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une preuve encore une fois contre toi. Parce que dans la sunna, il y a toutes les preuves, justement, qui montrent que tu es dans l'erreur. Et que ces gens-là qui veulent faire confiance aux gens de bid'a, ils sont en contradiction avec la sunna. Et également, dans l'exemple, si tu mentionnes les imams de l'islam, et bien dans les attitudes et les comportements et les événements qui sont arrivés dans la vie des grands imams de l'islam et des salafs, on retrouve justement une preuve contre l'attitude de ces gens-là. De même que dans leurs livres, et dans leurs écrits, et dans leurs ouvrages, hein, c'est très connu que les salafs, ils avaient cette attitude très dure envers les gens de bid'a. Hein, et qu'ils les repoussaient, qu'ils s'éloignaient d'eux, qu'ils ne voulaient pas leur donner salam, qu'ils ne voulaient même pas s'asseoir ou parler avec eux. Hein, et qu'ils les détestaient, qu'ils mettaient en garde contre eux, et en particulier les grands imams de la sunna, comme l'imam Malik. Hein, vous savez qu'est-ce qu'il a dit à celui qui lui a posé une simple question, hein, où il a dit, mais comment Allah s'élève au-dessus de son trône? Kayfa istawa? L'imam Malik lui a répondu, il a dit, al-kayf majhoul, al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a. Comment on ne sait pas? On ne peut pas le connaître, on ne peut pas le savoir. Wal-kayf majhoul. Le comment, on ne peut pas le savoir. C'est inconnu, mais l'istiwa il est connu dans la langue arabe. Wal-imanu bihi wajib. C'est obligatoire d'y croire. Et de poser la question à ce sujet-là, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Et ensuite, il a dit, faites-le sortir. Hein? Il ne voulait pas que cet homme reste dans son dars, ou dans sa jalsa, ou dans sa halaqa. Il a ordonné qu'on le chasse. Donc ça, c'est un exemple. Il a fait ça dans le but de montrer l'exemple aux autres et de faire comprendre aux gens que cette chose-là, que cette question que cette personne avait posée, c'était dans le but de faire la fitna et donc qu'il fallait agir de cette manière-là envers lui. Et il donne l'exemple de l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i qui était l'équivalent de l'imam Malik dans la région de la Syrie. L'imam al-Shafi'i, l'imam Sufyan ibn Uyayna et Sufyan al-Thawri, les deux Sufyan, on les appelle les deux Sufyan. Un qui est ibn Uyayna et l'autre al-Thawri. Wa Abi Hatim, wa Abu Zur'a, qui sont les deux Razi. الرازيان وأئمة الإسلام وجبال السنة. Donc tous les imams de l'islam et de la sunna, ils ont tous adopté ce comportement-là et cette attitude-là envers les innovateurs. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est nouveau pour nous ou pour certains d'entre nous parce que on a grandi ou on a vécu dans des endroits ou dans des contextes où on était éloigné de ces réalités-là, on n'était pas au courant de ces choses-là, on ne nous les avait pas enseignées, on ne nous les avait pas expliquées ou appris. Mais pour les imams de l'islam et les ulama de la sunna, ces choses-là ont toujours été connues. Hein? Ensuite, le cheikh il dit donc, celui qui ne se base pas sur leur exemple et qui ne suit pas leur modèle, et qui s'éloigne de leur voix, alors par Allah, il est en train de suivre le shaytan. Il est en train de suivre le chemin du shaytan. Et il est dans les voies du shaytan, peu importe qu'est-ce qu'il prétend. Peu importe qu'est-ce qu'il prétend. Et là, il y en a aujourd'hui qui sont en train de dire complètement le contraire de ça. Ils sont en train de dire, mais mon frère, pourquoi tu... Justement, on était en train de regarder, en cette période-là, peut-être pas maintenant, mais la semaine prochaine qui s'en vient, il y a une grosse conférence qui est organisée au Canada, à Toronto, qui s'appelle, en anglais, Reviving the Islamic Spirit. Ça veut dire de faire revivre l'esprit islamique. Et dans cette conférence-là, il y a les têtes de l'égarement qui sont invitées pour venir donner des conférences. Parmi les plus grosses têtes de l'égarement, hein. Je vais vous énumérer quelques exemples, vous allez comprendre tout de suite, hein. Ça, ثمن العودة الحبيب الجفري الصوفي طارق رمضان طارق سويدان qui d'autre encore Amr Khalid qui d'autre encore يعني aidez-nous encore. Peut-être que certains d'entre vous ne les connaissez pas parce que c'est des anglophones, hein, mais les autres, ceux que j'ai mentionnés, vous les connaissez. Hein. Et ça, c'est une grosse conférence, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont assister à ces choses-là. Et bien, dans leurs vidéos qu'ils ont mis sur leur site comme présentation, ils commencent avec les paroles d'un d'entre eux qui s'appelle Hamza Youssef, qui est un Américain de Los Angeles, qui est allé étudier en Mauritanie avec les soufis là-bas. Qui est revenu maintenant aux États-Unis et qui fait sa da'wa et qui appelle à l'égarement, hein. Eh ben, il commence en disant, pourquoi, quand tu, rentres dans l'islam, tu dois dire à quelqu'un, un tel c'est un chiite, un tel c'est un soufi, un tel c'est un salafi, un tel c'est ci, un tel c'est ci. Alors que, si c'était avant l'islam, tu aurais rencontré ces individus-là et tu les aurais respectés en tant qu'être humain seulement. Et là, maintenant que tu deviens musulman, là, tu fais une distinction entre celui-ci et celui-ci et celui-ci, et comment tu devrais les détester uniquement parce qu'ils font partie de ces différents groupes-là. Pourquoi, hein, ils posent cette question-là? C'est ça leur discours. De dire, il faut aimer tout le monde, il faut accepter tout le monde en tant qu'être humain, peu importe nos divergences, peu importe nos différences, on peut s'appeler différents noms, mais c'est pas grave. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos des 73 sectes, كلها في النار إلا واحدة. Elles seront toutes en enfer excepté une. Et il a expliqué c'était laquelle. Et c'est elle qu'on doit suivre. Donc ça c'est juste un exemple pour vous montrer comment ces gens-là maintenant ils sont en train d'appeler à ces genres d'innovation et d'égarement-là. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني الصحابة فوق القمم ما هم قمم بل فوق القمم يعني هم بعد الأنبياء مباشرة لماذا تسبهم لماذا تسب أحدا منهم وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها لو صارت جبال الدنيا مثل جبل أحد ذهب وأنفقته ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة كيف تسبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يسب أحدا من الصحابة ثم تجد هؤلاء الضالين لا يبغضون لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يغضبون لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين للأنبياء والصحابة والقائلين بالحلول ووحدة الوجود يبغضونك ويحاربونك من أجل هذا الضال ومن أجل أصحاب محمد لا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم يحاربونك من أجل هذا الضال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ضلال وأي ضلال الشيخ يقول ensuite et regardez aujourd'hui la position des sahaba et des tabi'in et des imams de l'islam envers celui qui insulte les compagnons du prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Ibn Majah, n'insultez pas mes compagnons par celui qui tient mon âme en sa main. Il jure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui tient son âme en sa main, que si l'un d'entre vous donnait la quantité d'or comparable à la montagne de Uhud, eh bien ça n'aurait même pas la valeur d'une poignée de main d'entre vous. D'une poignée de main d'entre vous, de quelqu'un d'entre nous qui donnerait une poignée de main de blé, ou même la moitié d'une poignée de main, ça n'aurait même pas cette valeur-là. Hein? Ça n'aurait même pas, c'est-à-dire, toi, ta montagne d'or que tu donnes, ça n'a même pas la valeur d'une poignée de main que le sahabi va donner de blé ou de céréales. Hein? Donc, comment quelqu'un peut se permettre, après ça, d'insulter les sahabas? Comment quelqu'un, par la suite, peut se permettre d'insulter les Sahaba. Le Cheikh dit les Sahaba sont au-dessus du top, comme on dit. Sont au-dessus. C'est la crème de la crème, si on veut le dire de cette manière-là. Ils viennent directement après les prophètes. Les Sahaba viennent directement après les prophètes d'Allah. Donc, pourquoi tu les insultes, radiallahu anhum, pourquoi tu insultes les Sahaba? Pourquoi tu insultes un d'entre eux? Alors que si toi tu venais avec toutes les bonnes œuvres du monde, et que tu donnais toute l'or du monde, ou la quantité des montagnes d'or, ça n'aurait même pas la valeur de ce que l'un d'entre eux donnait avec sa poignée, une poignée de sa main. Donc, comment tu peux insulter les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam? Et tu insultes les sahaba alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui insultaient ses compagnons. Puis ensuite, tu trouves parmi ces égarés-là qui se mettent en colère lorsque on insulte un de leurs imams parmi les imams de l'égarement parce qu'il a insulté les sahaba. Ils se fâchent pas pour les sahaba. Ils se fâchent pas pour les sahaba, ils se fâchent pour leur cheikh ou pour leur, leur gourou ou celui qu'ils suivent, ils se fâchent pour lui. Alors que lui, il insulte les sahaba, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il insulte Othman, radiallahu anhu, il insulte Muawiyah, il insulte d'autres parmi les compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne se fâche parmi eux. Normal. Mais tu critiques un d'entre leurs chefs, un d'entre leurs représentants, un d'entre leurs exemples, et là tout d'un coup, ils sont prêts à te faire la guerre, ils se mettent en colère contre toi. À cause d'un égaré qui appelle à insulter les prophètes, insulter les compagnons, qui appelle à la aqida des soufis, de Hulul, et de Wahdatul Wujud, et quand tu le critiques lui et que tu montres ses erreurs, il se met en colère contre toi, il se fâche. Mais quand cet individu-là a insulté les sahabes, ils ne se sont pas mis en colère. C'est là que tu vois la réalité de ces gens-là. Il y a beaucoup de gens comme ça parmi ces gens-là. Quand tu leur montres les erreurs de ceux qu'ils suivent, ils se mettent en colère contre toi parce que tu leur as montré ces erreurs. Au lieu de se mettre en colère contre lui, pour les erreurs qu'il a dit, les fautes qu'il a faites, les paroles qu'il a dit contre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te mets pas en colère, mais tu te mets en colère contre moi parce que j'ai montré ses erreurs, ça c'est contradictoire, c'est une erreur, ça c'est le monde à l'envers, Donc, ça c'est très important de comprendre cette réalité-là. Donc c'est un égarement, il n'y a pas d'égarement comparable. كثير منهم يزعمون أنهم من أهل السنة وهذا واقعهم في وهذا حالهم فأي احترام عندهم للسنة وقد أهين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصروهم. Le Cheikh dit plusieurs d'entre eux prétendent ou pensent qu'ils font partie des gens de la Sunna. Et ensuite il dit ça c'est la réalité, c'est ça ce qu'on remarque. Quand on les regarde, ils disent on est des sunnis, on fait partie des gens de la sunna. Alors, quel respect pourrait-il avoir pour la sunna? Quel respect pourrait-il avoir pour la sunna alors qu'ils dénigrent de cette manière les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ne se mettent pas en colère pour eux, et qu'ils ne les défendent pas lorsque quelqu'un les insulte? Et on remarque de l'attitude parmi l'attitude de ces gens-là, parmi les chiites aujourd'hui, comment ils flattent les rafida shia, comment ils disent à leur sujet du bien, et ils les considèrent comme s'ils étaient des musulmans ordinaires qui n'ont pas d'erreur, qui n'ont pas de problème. Ils ne vont pas mentionner le fait qu'ils insultent Abu Bakr, Omar et Othman radiallahu anhum, et qu'ils font le takfir des sahaba, et qu'ils insultent les sahaba, et les autres problèmes qu'ils ont, et les autres erreurs qu'ils ont, au contraire. Ils appellent au rapprochement et à être cool avec eux, comme on dit. ومن كذبهم ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدة عقيدة رفعوا عقيدتهم بمنهج الموازنات ويسمونه بمنهج العدل والإنصاف. لماذا لا تنصفون الصحابة ولماذا ما تنصفون موازنيكم أو موازنيكم هذه أول شيء لنبي من الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit parmi leurs mensonges et leurs perversités, c'est qu'ils ont élevé leur, cette aqida qu'ils ont par le manhaj qu'ils ont inventé, qui est le manhaj des muazanat, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, le fait de dire, ouais, mais tout le monde a du bien, hein, et tout le monde a des bonnes qualités. Eh ben, yani, ils pensent que ce manhaj qu'ils sont en train de suivre, c'est le manhaj de la justice et de l'équité, le fait d'être juste envers les individus qu'ils critiquent, de mentionner le bien et le mal. Hein. Donc il dit, pourquoi vous n'avez pas été juste envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein. Pourquoi vous n'avez pas appliqué justement la balance de la justice lorsque vous parlez des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de mentionner la justice lorsque vous parlez des compagnons et des prophètes d'Allah, hein, le prophète et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, le fait que vous disiez à leur sujet ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, à leur sujet, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné sa tazki, hein, et qu'il a parlé en bien de leur, à leur sujet. هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج وما تعلقتم به إلا لنصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج لو كنتم صادقين لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورمى بعضهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل ومثل هذا مقدس عندكم ومثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. الشيخ يقول هذا هو الأقساف أنكم فقط أتبليتم منهج الموازنات صديقاً pour donner la victoire ou pour défendre le faux et le mensonge, hein, venir en défense de l'égarement, et pour protéger l'égarement et les gens de l'égarement, et pour protéger la méthodologie et la voie des gens de l'égarement. Et par Allah, si vous étiez sincère, hein, si vous étiez sincère, vous n'auriez pas inventé ce genre de manhaj. Si vous étiez sincère, vous auriez commencé, vous auriez débuté par le fait de défendre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'être juste envers eux dans le sens de les défendre et de rejeter ce qui a été inventé contre eux et de réfuter ceux qui les ont, qui ont agi de façon injuste envers eux et qui les ont dénigrés et qui les ont accusés de toutes sortes de faussetés comme de l'hypocrisie, qui les ont accusés d'apostasie ou d'autres choses de ce genre. Un tel personnage qui commet de tels crimes, de telles erreurs, de telles choses qui sont contraires à l'islam, allez-vous le considérer comme quelqu'un de saint et vous l'élevez, hein, comme Sayyid Qutb par exemple. Hein, tous ces exemples-là que le cheikh a mentionnés se retrouvent dans les livres et les écrits de Sayyid Qutb. Hein, et aujourd'hui, il y en a qui le défendent et qui l'élèvent et qui le prennent comme un imam parmi les imams de l'islam, alors que c'était un égaré, un ignorant, qui ne méritent pas rien de ce que ces gens-là ont dit à son sujet. Mais parce que ça justifie leur manhaj, ils veulent faire le takfir, ils veulent appeler au khuruj, ils veulent appeler à la révolte, à la rébellion, à la révolution, et ils ont trouvé dans les paroles de cet égaré qu'est-ce qui les confortait, alors ils le défendent. Et ils sont prêts même à rabaisser les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le défendre. Hein? Et c'est la même chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui même, subhanallah, des paroles de certains prêcheurs même en Europe ici, hein, que vous connaissez sûrement, parmi les gens de l'égarement, qui défendent les rafidahs. J'en ai entendu un dernièrement qui parlait de Khomeini, hein, et qui disait à son sujet que c'était non seulement que c'était un imam pour les chiites et les sunnites aussi, hein, qui faisait de lui un modèle, hein, et que sa révolution c'était une inspiration pour tous les musulmans dans le monde, ainsi de suite. Alors qu'on sait très bien que Khomeini c'était un mouchrik, un kafir, quelqu'un qui appelait à l'égarement et à l'as, la mécréance. Il dit dans ses livres des choses qui sont claires, comme étant du kufr. Il dit que les imams, c'est-à-dire les descendants de Ali, les 12 imams, il dit à leur sujet qu'ils ont une autorité devant laquelle tous les atomes de la création s'inclinent. Ils existaient éternellement. Et avant d'être vivants en tant qu'êtres humains sur la terre avec un corps, ils étaient des lumières qui tournaient autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent à leur sujet qu'ils connaissent l'infini et l'invisible. Et ils ont atteint un niveau et un statut qu'aucun ange ne peut atteindre, ni aucun prophète. Les imams, c'est-à-dire les descendants de Ali radiallahu anhu. Et bien entendu, ça c'est de l'égarement, c'est des paroles de shirk. Je pense que même les chrétiens, ils ont du shirk, mais ils n'ont pas des shirk aussi graves que des paroles pareilles dans leur croyance. C'est pour dire que certains parmi les égarés qui se disent musulmans aujourd'hui, parmi les shi'a rafida et parmi les soufis, il y en a qui ont des croyances de shirk et de kufr qui dépassent le shirk et le kufr des juifs et des chrétiens. Et qui prêchent ça au nom de l'islam, et qui disent que ces choses-là sont islamiques. Alors qu'on ne retrouve aucune justification pour ces idées-là, ou pour ces croyances-là, ou ces paroles-là dans le Coran et dans la Sunna, bien au contraire. Donc, vous voyez des gens aujourd'hui qui disent des paroles comme ça, à propos d'un égaré pareil, il va dire, et l'individu qui disait ça, c'est Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan. Il était en train de glorifier et d'élever un zindir, un égaré, comme ça que les gens aujourd'hui en Iran adorent. Ils ont fait au-dessus de sa tombe une mosquée, ils vont lui offrir des actes d'adoration là-bas. Ils l'ont pris comme un égal avec Allah dans l'adoration. Ils font le shirk avec lui. Et ils font le shirk avec plein d'autres tombes, parce que c'est ça leur religion, c'est l'adoration des tombes. À Najaf et à Karbala et ailleurs. Donc ça c'est pas la religion d'Allah, ça c'est la religion du shirk, c'est la religion du shaytan. Et c'est ça qu'ils suivent ces gens-là, les rafidah, derrière tout ce qu'ils peuvent montrer comme apparence. Mais à la base, si on sait que leur fondateur était un juif du Yémen, Abdullah ibn Saba, alors on n'est pas étonné de tout ce qui peut sortir de la bouche de ces gens d'égarement-là. Donc, yani, ça c'est les gens qu'ils élèvent, c'est l'attitude qu'ils adoptent, c'est comme ça qu'ils agissent. Le shaykh il dit, أبلغ هذا الشأن وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم بقوله بوحدة الوجود أم لتعطيله للصفات أم بقوله بالاشتراكية بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء وكثير من المخازي ومع ذلك هو عندكم قمة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الهامش بعيدون عن الهامش ولو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أباكم وجدكم لحاربتموه ولكن إنما هي الأهواء وإنما هي الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحملته مهما ادعيتم لأنفسكم فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. Le chef il dit quoi? Il dit, est-ce que c'est en faisant ce genre de choses-là qu'ils ont atteint ce degré de respectabilité chez vous, ces individus qui agissent de cette manière? Il dit, est-ce que c'est en insultant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont atteint ce degré-là? Est-ce que c'est en insultant le prophète Moussa alayhi salatu wa salam? Est-ce que c'est en appelant les gens et en disant des paroles de huloul, une croyance des soufis, qui croient que Allah entre en certains individus, qui s'incarne en certains hommes? Ou bien wahdatul wujud, ceux qui croient que Allah est tout et que tout est Allah, et qu'il n'y a pas de différence entre créateur et créature, les deux c'est la même chose, il n'y a qu'une seule existence. Il ne faut pas voir de différence entre la créateur et la créature. Ça, c'est les croyances de certains parmi les soufis. Hein. Et la majorité des turcs soufis, hein, ils prêchent cette croyance-là. Hein. Est-ce que c'est en prêchant ces idées-là que vous allez vous le respecter à cause de ces croyances-là? Et est-ce que c'est parce qu'il appelait aussi à la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est parce qu'il appelait les gens au régime socialiste? Est-ce que c'est à cause de toutes ces idéologies-là que vous l'élevez et que vous faites de lui ce que vous faites? Vous l'élevez à ce niveau de noblesse et de respectabilité, hein, et beaucoup d'autres choses également humiliantes, hein, vous prenez ces choses-là et vous faites de lui l'exemple et le top à suivre. Alors que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous faites d'eux comme si c'était, ils étaient dans la marge, ils n'avaient aucune importance. C'est des gens qui sont, hein, sans aucune importance, loin de la marge. Si vous aviez du respect, il dit, si vous aviez du respect pour eux, par Allah, si vous aviez du respect pour les Sahaba, hein, si cet individu-là était votre père, ou votre grand-père, vous les auriez combattus. Vous les auriez combattus si vous auriez du respect pour Allah. Et que cet individu-là était votre père ou votre grand-père. Parce que c'est comme ça l'islam. Al-wala wal-bara. D'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Tu détestes celui qui est ennemi d'Allah, même si c'était ton père ou ton grand-père. Hein? Et donc, si ces gens-là qui agissent comme ça, si vous aviez du respect pour Allah, vous les auriez combattus. C'est ça ce que le chef dit. Mais, étant donné que vous suivez vos passions, et que c'est l'égarement et la déviation que vous suivez, eh bien vous avez pris Allah subhanahu wa ta'ala à la légère, vous avez dénigré Allah subhanahu wa ta'ala, et vous avez dénigré ceux qui portent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Et vous avez perdu le respect pour cette religion-là. Hein? Et donc, même si vous prétendez autre chose, vous prétendez défendre l'islam, vous prétendez être pour l'islam et des choses de ce genre, il dit le chef, la réalité vous a démasqué. Et la réalité dans laquelle vous êtes montre que vous êtes de votre réalité est le contraire de ce que vous prétendez et de ce que vous montrez. Wa ala kulli hal, ana uhilu ash-shabab ila kutubi a'imati as-sunnah liyanhalu منها مباشرة لا يأخذون من أشرطة فلان وكتابات فلان وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصلية ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. الشيخ الزي على كل حال de toute façon, qu'est-ce qui est important à comprendre maintenant, c'est que je ramène les jeunes, je renvoie les jeunes à retourner au livre des imams de la Sunna, au livre des imams de la Sunna, les livres des salafs et du manhaj et de l'aqida des salafs. Vous voulez comprendre la voie des salafs, qu'est-ce que c'est? Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est la voie des salafs? Il dit, je ne vais pas vous renvoyer à la cassette d'un tel ou au livre d'un tel parmi les contemporains. Je vais vous renvoyer au livre des imams de la Sunna, au livre des imams des salafs. Retournez à leurs livres et lisez qu'est-ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Et vous allez savoir qu'est-ce que c'est leur manhaj. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on doit dire ça aux gens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils aiment ça faire des débats, des disputes. Tel cheikh il a dit ça, l'autre cheikh il a dit ça, l'autre cheikh il a dit ça, l'autre cheikh il a dit ça. Ok, on va mettre tout cela de côté. On retourne aux salafs. Qu'est-ce que les salafs ont dit? Qu'est-ce que vous dites, c'est ça? Est-ce que ce que les salafs ont dit, c'est ça vous ce que vous dites? Est-ce que ce que les salafs disent, c'est ça votre manhaj? Oui ou non? Hein? Et les salafs, leur manhaj, il est clair. Et leurs livres, ils existent encore aujourd'hui. Si ce que vous faites, c'est en accord avec le manhaj des salafs, on va le savoir tout de suite. Leurs livres sont là. On va les prendre et on va analyser avec les preuves qu'ils mentionnent du Coran et de la Sunna, leur compréhension elle est là. Maintenant, si vous voyez que dans ces livres-là, ce n'est pas en accord avec ce que vous dites, alors vous devez revenir à la vérité par la suite. Et donc c'est ça, le cheikh il dit, je vous renvoie non pas aux cassettes d'un tel, aux livres d'un tel, mais je vous demande de ramener toutes les choses et de prendre directement des ulama à la base, de retourner aux ulama dans ce que vous avez comme divergence ou difficulté ou problème. Et après, tous vos disputes et vos problèmes seront réglés au sujet de ces questions-là. Donc, Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'instant, pour aujourd'hui. Dans la prochaine conférence, on essaiera de continuer ce sujet, Inch'Allah, de clarifier encore plus et de ramener des exemples pour yani, nous servir comme exhortation yani, dans notre façon de suivre la voie des salafs salih. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته